Bonsoir à tous, nous sommes le mardi et il est actuellement 21h. Vous écoutez le nouvel explorateur sur AutoFadget. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, l'exposition n'aura clairement pas lieu. Mais par contre, j'ai une surprise. Cette surprise, c'est la sortie d'un magazine que j'ai créé de A à Z et presque. Je suis en collaboration avec la fac de lettres. Mais pour l'instant, c'est remis à la rentrée. Et qu'il y a eu le coronavirus. Du coup, je ne sais pas trop si ça va être annulé ou pas. Enfin, on verra en fonction de l'épidémie. Ensuite, il y a les musiques de l'émission. En tout, il y en a 6. Et j'ai à peu près des musiques pour tout le monde. Ça va de la musique allemande, albanaise. Et aussi de la musique française, mais pas n'importe quelle musique française, vous verrez. Et en cours d'émission, nous verrons une ville suisse. C'est la ville suisse, c'est la ville de Haro, 2A-R-A-U. Haro, 2A-R-A-U. Et maintenant, on va débuter avec la première musique de l'émission, qui est AZ, qui fait Raf Camora. C'est Caboné sur votre budget dans le Noël Explorateur. Training setzt die Strommaske auf, weil Mutter 500er braucht. Carmen trag ich unter der Haut. Was für Joint auf für Umsatz verkauft. Denn für Krisen, die ich hab, musst du Hunderte bauen. Bleib original, trag die Wumme am Bauch. Wie ich bin mit der Kugel im Lauf. Liefer die Ware wie Jungs, die so sind wie ich. Bis zur Grenze. Und egal wo ich bin, guck ich, nehm euch mit. Bis zum Ende. Immer wenn ich ein Geldbatzen mach, über Nacht blick ich zurück, wo ich war. Und fang an zu lachen, genau dafür danke ich dir Gott. Die Vergangenheit ist mega. Komm schon in den Druck, ein bisschen Chabone, Chabone. Hey, komm, tschüss, hast du mir paar, ein bisschen Cordole, Cordole. Komm schon in den Druck, ein bisschen Chabone, Chabone. Hey, komm, tschüss, hast du mir paar, ein bisschen Cordole, Cordole. Bald ist wieder November. Schwarzer Tag im Kalender. Bam, bam, bam, bam. Ich lauf raus, niemals allein auf die halbe Stadt neben mir. Kein Platz für uns in der Café-Dschungel, komm vor die Türe, dann reden wir. Bla bla bla bla, wir müssen beweisen, wer wir sind, wir übernehmen hier. Ba ba ba ba, Schaffe in der Arm, meine Jacke spielt die Melodie. Immer wenn ich ein Geldbox mach, dank ich Gott, aber bleibt derselbe. Millionär, Bruder, fast über Nacht, die Sonne scheint und sie zeigt kein Ende. Kurz vor Napoli, mon Pax est la folie. Da Paris, quand j'suis tombé, während die Kurs, j'suis sorti. Komm im Schwurf in den Druck. Chabone, chabone. Play gone, chess, ass in me pa. Ein bisschen Cordole, Cordole. Kurum schwurf in den Druck. Ein bisschen Chabone, chabone. Play gone, chess, ass in me pa. Ein bisschen Cordole, Cordole. Über Nacht blick ich zurück, wo ich war. Und fang an zu lachen, genau dafür danke ich dir Gott. Die Vergangenheit ist mega. Kurum schwurf in den Druck. Ein bisschen Chabone, Chabone. Play gone, chess, ass in me pa. Ein bisschen Cordole, Cordole. Kurum schwurf in den Druck. Ein bisschen Chabone, Chabone. Play gone, chess, ass in me pa. Ein bisschen Cordole, Cordole. Kurum schwurf in den Druck. Ein bisschen Chabone, Chabone. Play gone, chess, ass in me pa. Ein bisschen Cordole, Cordole. In den Druck, ein bisschen Chabone, Chabone. Dreck und Chess, das in mir paar. Ein bisschen Cordole, Cordole. Chabone, Chabone. Cordole, Cordole. Chabone, Chabone. Cordole, Cordole. C'était Raf Camora avec AZ sur le budget pour Carbone. Maintenant, nous allons écouter une musique qui nous vient des Balkans, mais plus précisément, elle semble venir de, je dirais, plutôt Albanie, puisqu'il y a Biba Corli, c'est avec Maja Blovic. Et c'est maintenant sur votre budget, c'est Plavo Vleme de Maja Blovic avec Biba Corli. Maintenant. Treba pamet, stavila mi je tako šanđer i pucala sa distanci. Iskren moram biti, nisam imao ni šanci. Yeah, yeah. Oh. rukama tvojim oči bi stopila. Sa se na tvojih otra bi popila. I nikom mi se ne otkriva da skupa smo noćima na istom mestu zločina. A ja bi samo ti radila to, bebo, skinu sve za tebe, ona baci, ona ponevo. Teo bi ti sve što nije onevo, pravu radicu bi vratio na to. A radila bi ti je sve i svašta u belo vreme. I baš radi mi mašta u pravo vreme. Upadnemo u probleme. Parirala, da još nije da nije parirala. Sad se kontrolirala mi je, a je sabotirala. Za druge me sabotirala, silu demonstrirala mi je. Da tebi sve mi se sviđa. Kako gledaš, kako dišeš, kako pričaš. A je, sve mi se sviđa. A je, a je. Maya Belovic fait Buba Curly sur Radio Padget pour Plavo Vleme. Et ils ne sont pas albanais, serbes, ils sont plutôt tous les deux bosniaques. Voilà une petite correction. Et maintenant, nous allons écouter une autre musique qui est de Buba Curly et Rala Brat en featuring avec Rav Kamora. C'est Nema Bolé sur Radio Padget dans le Nouvel Explorateur. On ne mange ni me, on ne ne, a kako bi kada si noć bila kod mene. Kada vremene se A ti si to toliko htjela Si to bi voli što poput to podela A ja gotovo ću crvene ko strobordela Si otrav u mojim venama Osa šonka Kure idu pare trošimo kao banka Kure jure me a loži me ona tanka Bez cenzura gleda me kao nimfomanka Nimfomanka Miris kanka To jutra budno na dva grama bude lampa Na njeno lice zakostela ko na sanka Noge je bar za uzdrahu ko vrata lampa Tera, ma nije je briga, došla do vezera On mi kada god igra, on me ti revolvera Tebi na noge digla, niko ne zna što spjera Na njom je staje nikba, al dobro znam Nema bolje, znam da nema Nema bolje, znam da nema Engim sara jebo, trinke vodka melone Entourage so wie Don Corleone Straße oder Popstar-Idole, keine Ahnung, kenne nicht einmal den Ort, wo ich wohne, weiß nur Sankar Mora nicht, was er zu tun hat. Hau dich mit den Jungs runter, Feature Jalabuba. Vorbild Al Pacino, für mich war es niemals Tupac. Scheiß von jeder Sorte, Bruder, Karamell und Nougat, so wie Berlusconi macht es Bunga, Bunga. Für sie sind wie Gorilla, Bruder, Unga, Unga, Leg in South Tank, sie trägt Nulda. Bruder, früher wollte sie mich nicht kennen, heute will sie Nummer. Nummer bin die Porsche Panamera, Pose für die Blüter, Flasche Belvedere, hol uns doch ein Liter. Groß und wir auf Twitter, okay, dam, dam, dam, Dschungel, guck mal die Kaliber, bam, bam, bam. In der Terra, Mania e Briga, Pasha del Vesera, no mica da Godigra, con Betty Revolvera, e Bina no che digla, di con le zasta spera, a io me sta e nipa, al dobro znam, nema bolje, znam da nema, nema bolje, znam da nema, nema bolje, znam da nema, C'était Rala Brat avec Buba Corley et Rav Kamora pour Nieba Bolé sur Radio Padget dans le Nouvel Explorateur. Et maintenant, nous allons écouter une autre musique de la Bosnie-Herzégovine. Cette autre musique, elle est de Ralabrat et c'est Mlada et Luda sur Radio Fadjet, leur nouvel espoirateur. C'est maintenant. Ralabrat pour Mlada Luda sur Fadjet, le nouvel explorateur. Et maintenant, nous allons passer à la énième musique de l'émission qui est de Boba Corley. Et c'est Balenciaga sur Fadjet, le nouvel explorateur. Boba Corley pour Balenciaga, c'est maintenant. Усит не сад, изврати и узмети звек Моси от рову, исто време си му ти лек Тепа на два дела, ме го море, моси е Има све тело богиње, вредно роби е Снима се, како скида се, игра спори е Она зна, с кем съм ја иде, пратим историје Желим је, креведен, моје територије Попет дана, ночи ме не спава Нема осјећања, е Огле колела, да ни затам ни стакала Маленција гаќава, е Jedna stoji na nogama, svoj muž bježa na alkohol, ja sa drogama Jedna stoji na nogama, svoj muž bježa na alkohol, ja sa drogama Čitav klub navija za nju, pun mjesec jako vuk zavijam na nju Čitav klub navija za nju, pun mjesec jako vuk zavijam na nju kaže hey, foliraš mafijaš, zna te svaki mafijaš, dobro znaš da planiraš muškarca braga, krasi znam to znaš, znam to znaš. Da znaš kakav ti, pa kaž imaš bebu, imaš bebu. Drago mi je da si baš tako loša, tako loša. Noćas ti je lova večana. Opet dana, noćima ne spava, nema osjećanja, je yeah. Ovne kole vlada, ni za tam ni znakala, Valencija ga džava, je yeah. Jeva stoji na nogama, zvonuš bežama, alkohol je sa drogama. Jeva stoji na nogama, čitav klub navija za nju, u mjesec je ko vuk zavijam na nju. Čitav klub navija za nju, u mjesec je ko vuk zavijam na nju. C'était Boba Corley pour le Balance Agathe Road Project dans le Nouvel Explorateur. Et maintenant, temps d'aller voir la ville de Arau en Suisse. Arau, chef-lieu du canton d'Argovie dans le Mittelland, est situé sur l'Ar qui a donné son nom aussi bien à la ville qu'au canton. Tout à fait charmante, la vieille ville peut se flatter d'avoir les plus beaux avant-toits peints de Suisse, appelés d'HML. Ensuite, que peut-on faire à Arau? Il y a le musée des Beaux-Arts, réalisé en 2003 par les architectes Herzog et Demeron. L'extension du Kunsthaus abrite une rétrospective de l'art suisse du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Il y a aussi Naturama. Qu'est-ce que c'est Naturama? C'est l'exposition permanente, totalement remaniée, centrée sur le passé, le présent et l'avenir de l'espace de vie Argovie. Des animaux, des plantes et des films vidéo passionnants illustrent les interactions et les champs de tension existants entre la nature et l'être humain. Sur réservation préalable, visite guidée le soir, congrès et séminaire ou apéritif, ouvert de mardi à dimanche, horaire étendu pour les écoles. Que peut-on faire à Arau? Il y a les bains thermaux de Bad Schinznach. Ces bains abritent la source soufrée la plus abondante et la plus équilibrée de Suisse. C'est un lieu idéal de détente et de bien-être. Donc je répète, c'est le bain thermaux de Bad Schinznach. Il y a aussi le Bali Museum. La marque Bali est amoureux de belles chaussures, c'est que Rolex et Swangli sont fans de montres et de chocolat. Cette vénérable maison soloroise a vu le jour il y a 150 ans. Son musée à Schönenwerd possède l'une des plus grandes collections de chaussures au monde. Quant au parc Bali, non moins élégant, c'est un lieu idyllique pour une agréable promenade, à pied pour bien sûr. Et il y a aussi la culture et nature au château de Halleville. Construit au XIe siècle, le château de Halleville est l'un des châteaux à douves les plus remarquables de Suisse. Ce château, situé à l'extrémité nord du lac de Halleville, est établi sur deux îles, sur l'Arbar, près de Schingen. Il y a aussi le Chevalier Dragon au château de Lenzbourg. Cette petite éminence était autrefois le territoire d'un dragon. Après l'avoir tué, les deux premiers chevaliers, Wolfram et Guntram, s'y sont installés. Telle est la légende de la construction du château de Lenzbourg, l'un des châteaux forts les plus imposants de Suisse. Et tout cela, vous pourrez le retrouver sur My Switzerland, sur Internet. On va maintenant passer aux musiques françaises de l'émission. Nous commençons d'abord avec Jacques Brel, qui est bien sûr belge. Donc c'est une musique francophone, cette fois-ci. Donc c'est Jacques Brel pour Vesoul sur votre budget dans le Nouvel Explorateur. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens,